sun's gone to hell. Only your music on RQC. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kijifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM avec vous jusqu'à 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, on va vous présenter un groupe, on peut dire qui a pratiquement disparu des circuits. Moi, je dis pratiquement. Un groupe anglais. Voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord s'écouter un groupe, le titre de ce groupe, un titre, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Et aujourd'hui on a décidé de vous parler du groupe de Spandau Ballet, avec un album qui était sorti en 1983 qui s'appelait True. Tout le monde a pu aussi, comme je le dis, emballer sur cette fameuse ballade, mais il n'y a pas que ça sur cet album, il y a des bonnes pépites. Allez, on va s'écouter Pleasure et on se retrouve tout de suite après, les amis. Pleasure's in my car, even in the bars I'm searching. Oh, when the love that's strong, breathing in the song, I'm learning. Pleasure's in the sand, warm within the hand she's holding. It is on the screen, adventures at 19, I'm searching. Your name, I accept the blame for falling. It is down the phone, living in your home, I'm calling. Pleasure is a word, when a love is left unheard, it's burning. It is on the screen, adventures at 19, I'm searching in my heart. We'll be right back. Voilà, donc c'était le premier titre de Spandau Ballet, extrait de l'album True, sorti en 1983. Alors, un peu comme ça, pour vous, d'abord vous résumer un peu ce qu'il s'est passé aussi, car c'est un peu le but aussi de Backstage, de vous plonger un peu dans les années 83 en disant, je me souviens un petit peu, mais qu'est-ce qui s'était passé aussi en 83? Eh bien, le 23 mars, par exemple, annonce de l'initiative de la défense stratégique par le président Ronald Reagan après le refus soviétique de l'option zéro dans la crise des euromissiles. Et en décès, on avait aussi le 24 janvier George Cukor, cinéaste américain, qui décédait cette année en 83. Alors, on va... Il y a du bruit dans le couloir. Je vais ouvrir. Attendez, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Spandau Ballet ? Spandau Ballet est un groupe anglais formé en 1979 à Londres. Le groupe s'est successivement appelé The Cut, puis The Maker. Le nom définitif vient d'un graffiti aperçu par un roadies à Berlin, dont Spandau est un quartier. Initialement inspiré par un mélange de funk, jazz, rock et de synthétiseurs, le groupe s'est finalement adouci et fut considéré comme un pionnier d'un mouvement de nouveau romantique des années 1980. Alors, il faut savoir que l'histoire débute. Gary Camp et Steve Norman étaient des amis proches et tous deux ont fréquenté la même école à Islington. Très jeunes, ils envisagent de former un groupe. John Kubles et d'autres musiciens les rejoignent dans leur projet en 1976. Le groupe se forme sous le nom de The Cut. Et à leur début, ils se produisent dans des clubs londoniens, costumés et maquillés. À l'époque, ils fréquentent notamment Boy George. Un rapprochement qui s'explique par leur appartenance commune au nouveau romantique. Ils montent leur propre label, Reformation, qui lui-même rejoint ensuite le label Chrysalis. Le groupe devient plus tard The Maker, et ce n'est qu'à l'arrivée de Tony Headley et plus tard de Martin Kamps que le groupe prend le nom de Spandau Ballet. Sortant en 1980 son premier titre, The Cut ou The Long Story Short, qui est un succès immédiat dans le style New Wave et pop synthétique numéro 5 au Royaume-Uni quand même. Dans les années qui suivent, le groupe sort d'autres singles dont le succès est variable, tout en conservant cependant une bonne audience, que ce soit dans leur pays d'origine comme au niveau international. Après, je vous parlerai un peu de la consécration. Là, on va s'écouter le deuxième titre, Communication, toujours de Spandau Ballet. Backstage, les coulisses du son. Voilà, donc c'était le deuxième titre de Spandau Ballet, extrait de l'album True, sorti en 1983. Alors, la consécration, ils connaissent un succès mondial et la consécration au printemps 1983 avec leur album True. Et la chanson titre qui est extraite de, qui se classe numéro 1 dans plusieurs pays du monde et numéro 4 aux États-Unis. Fin 1984, leur album Parade et ses singles connaissent un nouveau le succès. À la même époque, ils jouent sur les premiers albums du band Air et participent au concert Live and à Wembley en 1985. Ils décrochent un autre succès notable, principalement en Europe et en Océanie, avec l'album Through the Barricade, sorti en 1986. Déclin et séparation. Et oui, le groupe se sépare en 1989 après l'échec de l'album Hurts Like Sky. Chaque membre s'est essayé à d'autres carrières, cinéma, carrière solo, mais aucun n'a renoué avec le succès. Après, je vous parlerai de la reformation. Et oui, et on va d'abord s'écouter un troisième titre, Code of Love, le conte de l'amour, pourquoi pas. Et on se retrouve tout de suite après. En couleur, en concert, sur RQC. Catcher in the rye. It's hard to make those long-term plans. Le Centre Marius Taquet propose le 24e Reflet Mondial de la Photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes, dont les membres du Photoclub Artec, participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine, en invité d'honneur. Renseignements auprès du Centre Culturel Marius Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. Voilà donc, on a écouté juste à l'instant Code of Love, troisième extrait de l'album de Spandau Ballet, True. Alors, pour se remémorer, on replonge un peu dans les années 83. Du 10 avril au 17 novembre, il y avait la guerre en Iran-Irak, les quatre offensives iraniennes Aurore menées sur le front nord, ne donnant pas de résultat. Et le 27 janvier, Louis de Funès, acteur français, nous quittait. Alors, je vous ai parlé de la reformation éventuellement de Spandau Ballet. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en débutant l'émission, ils sont là, oui et non. Voilà quoi. Le groupe se reforme en avril 2009. Le 25 septembre de la même année, le groupe annonce la sortie de son nouveau single Once More. C'est aussi le nom du nouvel album qui sort le 19 octobre 2009 et entre à la 7e place du classement britannique des meilleures ventes d'albums, le UK Album Chart, le 25 de ce mois même. Ce mois même. Oh là là, je parle bien François aujourd'hui. Alors, la formation de Spandau Ballet, hein, c'est Gary Camp, texte et guitare, Martin Camp, c'est ses deux frères, hein, à la basse, John Kelbles à la batterie, Tony Hadley au chant, Steve Norman guitare, puis saxophone. Alors, les albums studio de Spandau Ballet en 81, Journey to Glory, qui s'est quand même classé numéro 5 au Royaume-Uni, 1982, Diamond, numéro 15 au Royaume-Uni, en 1983, donc l'album qu'on s'écoute, True, numéro 1 au Royaume-Uni et numéro 17 aux USA. En 84, Parade, numéro 2 en Angleterre, au Royaume-Uni et numéro 50 aux États-Unis. En 86, Through the Barricade, numéro 7 au Royaume-Uni. En 89, Earth Like a Sky, numéro 31 au Royaume-Uni. En 2009, Once More. Là, il n'y a pas de classement. Vous voyez, le déclin est omniprésent, malheureusement, pour ce groupe que je trouve franchement excellent. Alors, dans les compilations et les rééditions, on a quand même en 85 The Single Collection. En 91, The Best of Spandau Ballet. En 2000, Gold, The Best of Spandau Ballet. En 2009, Once More, il est 11 titres visités et réenregistrés. En 2010, Journey to the Glory, édition remasterisée, avec des faces B en remix live. En 2010, Diamond. En 2010, toujours True, édition remasterisée. En 2010, toujours Parade. En 2014, The Story, Very Best of Spandau Ballet. Après, je vais vous parler un petit peu des membres du groupe, ce qu'ils ont fait sur le côté. C'est assez marrant de savoir ce qu'ils ont quand même fait. Et tout ça, tout à l'heure. On va d'abord s'écouter une page musicale. On va s'écouter le titre Gold, un titre que vous avez sûrement dansé quand vous sortez, à l'époque, en 83, dans les boîtes, pourquoi pas. Allez, on va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Thank you. chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Spendo Ballet avec Gold, la version longue. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin, 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. au menu. Apéritif offert. Cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Voilà, et si vous voulez voir les animateurs, bah, n'hésitez pas, on sera là. Alors, pour vous replonger un peu dans les années 83, hein, le 16 mai, par exemple, reprise de la guerre civile soudanaise, le 23 juillet, début de la guerre civile au Sri Lanka, le 23 octobre, attentat de Beyrouth à l'ambassade, sur l'ambassade américaine, le 3 mars, mort de Hergé, dessinateur, hein, le fameux dessinateur de Tintin. Mort aussi le 25 septembre de Léopold III, le roi des Belges, de 34 à, de 1934 à 1951. Il était roi. Le 26 septembre, Tino Rossi nous quittait aussi. Et voilà. Donc, ça, c'était pour vous plonger dans les années 83. Alors, on va commencer en vous parlant de Gary Camp. Gary Camp, il est né le 16 octobre 1959, il a 57 ans. Il est né donc en Angleterre. C'est un musicien, acteur, guitare, synthétiseur, batterie, voix. Il est en activité depuis 1979. Alors, Gary Camp, il est musicien anglais et principalement connu pour avoir été le guitariste de Spandau Ballet. Son frère, Martin Camp, jouait de la guitare basse, donc de la basse, dans le même groupe. Alors, je prends mon autre page, juste le temps de me retourner. Voilà, c'est fait. Alors, sa carrière dans les années 1980, lui et son frère eurent beaucoup de succès avec le groupe... de style nouveau romantique Spandau Ballet, donc comme je disais, avec notamment le tube planétaire True qu'on écoutera tout à l'heure, tiré de l'album du même nom paru en 1983. Le groupe sortit aussi Gold et Only What You Live en 1984. Ils participèrent au concert Live Aid en 85. Après la dissolution du groupe, comme son frère, il se lança dans une carrière d'acteur. Par ailleurs, il enregistra un album solo en 1995, Little Breezes, mais il ne rencontra pas le succès. Il a aussi écrit, notamment avec Guy Pratt, des comédies musicales But Good ou Terrible Beauty. Vie privée, il a été marié avec l'actrice Sadie Frost de 1987 à 1990. Ils eurent un fils Philet Mureau, né en 1990. Le couple divorça en 1997 après qu'elle l'eut quitté pour Judd Law. Gary Camp est maintenant marié à une costumière, Lorraine Barber, avec qui ils eurent un autre fils, Milo Wolf. Alors, dans sa filmographie, quand même, hein, il a fait Les Frères Cray, Bodyguard, Pepper Mariage, Killing Zoe, Magic Hunter, Doggy Dog, American Delight, Poppy, A Voice from Afar, Karma Magnet et The Raptor. Après, je vous parlerai de Martin Camp. Là, on va s'écouter un autre titre de Spandau Ballet, Lifeline. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. Backstage, les coulisses du son. She rides the soul train and he fights the law. There's power. souvenir 1983 donc avec Spandau Ballet avec le titre Lifeline. Alors Martin Kamps, lui par contre, c'est le bassiste hein, et c'est le frère bien entendu de monsieur, si je me souviens, Gary, hein, Gary. Ils sont frères, donc Martin Kamps, né le 10 octobre 1961 dans le quartier londonien, Islington, est un acteur musicien anglais. Il est connu pour avoir été le bassiste du groupe de Spandau Ballet. Il est le frère de Gary Kamps, comme je vous le disais à l'instant. Musicien dans les années 1980, lui et son frère eurent beaucoup de succès avec donc Spandau Ballet. Alors lui, en tant qu'acteur, ben, qu'est-ce qu'il a fait hein ? Après la dissolution du groupe, il s'est reconverti dans une carrière honorable au cinéma. On l'a vu, entre autres, dans la série télévisée Highlander. Il a aussi apparu dans plusieurs productions hollywoodiennes. Il joue dans la série It's Heather entre 1998 et 2002. Il a même fait de la télé-réalité le 15 août 2012. Il est le dernier candidat à entrer dans la maison de la saison 10 de Celebrity Big Brother sur Channel 5. La chanteuse et animatrice de télévision Colleen Nolan fait également partie des 13 célébrités. Sa filmographie, Les Frères Cray, Waxworks 2, Aspen Extreme, Highlander, série télé, L'Entrainte du Vampire, Au-delà du Réel, Les Contes de la Crypte, Tales from the Crypts, The Bill, Mac Dawson, It's Rider, donc la série télé, Sugartone, The Breed in the Bast, Where the Earth Is, encore une série télé, Can Be My Love, Vieille Connaissance, Marple, Back is Business, Arbit, Celebrity Big Brother, la fameuse série télé. Après, je vous parlerai de Tony Hadley. On va s'écouter un autre titre de Spandau Ballet. On va s'écouter Heaven is a Secret. En couleur, en concert, sur RQC. Heaven is Heaven is a Secret, Spendo Ballet, sorti en 1983. Alors, Tony Hadley, lui, son nom, c'est Anthony Patrick Hadley. Il est né en 1960, le 2 juin plus précisément, dans le quartier londonien, dans Islington aussi. Il est le chanteur, acteur et animateur de radio anglaise. Il est connu pour avoir été le chanteur, fameusement, du groupe Spendo Ballet, comme je vous le disais aussi. Donc, quant à lui, après la dissolution du Spendo Ballet, Hadley s'est lancé dans une carrière solo. Avec un succès mitigé, il signe un premier album, The State of Play, en 1992. Après avoir quitté EMI, Hadley crée son propre label, Slipstreams, et sa première réalisation est le single Build Me Up, extrait du film When Saturday Comes. Par la suite, il travaille notamment avec Joe Cocker, Paul Michaels et encore Danny Klein. En décembre 1996, Hadley fait une tournée en Europe avec Joe Cocker. Animateur radio, Hadley a travaillé comme animateur de radio avec Virgin Radio. Reprenons le spectacle Friday Night Virgin's Party Classic Show de Suggs du groupe de ska Madness en août 2007. En janvier 2008, il a reçu le Classic Saturday Night Virgin Party. En 2015, il s'est inscrit en tant que présentateur pour Absolute Radio. Il a fait une apparition dans l'Académie des rêves de Pinoy, un spectacle aux Philippines, en chantant et en donnant des conseils. Acteur, en novembre 2008, il apparaît dans Rockwiz, un programme télé australien. Hadley apparaît aussi dans des courts-métrages Shoot the DJ, dans lequel il joue Eddie Richard. La chanson Hadley a été utilisé comme la chanson thème de la série BBC populaire En bas à la terre. Discographie en 92, The State of Play. En 97, Tony Hadley. En 2006, Pacing Stranger. En 2015, The Christmas Album. On va s'écouter encore un autre extrait de Spandau Ballet. On va s'écouter Foundation. Vous écoutez Backstage. Build a foundation. Build a foundation. C'était le septième extrait de Spendo Ballet Foundation. Alors voilà, c'était le backstage consacré à l'album True de Spendo Ballet, sorti en 1983. Alors, on va vous dire un peu les titres qu'on avait joués, hein, les titres qui figurent sur l'album, car c'est un album assez court. Pleasure, Communication, Code of Love, Gold, Lifeline, Have is a Secret, Foundation. Et on va se quitter avec le titre que tout le monde a dansé dessus. J'en suis sûr et certain que vous avez tous dansé dessus. On va se quitter avec True de Spendo Ballet, superbe balade. Nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Backstage. Ciao, les amis. En couleur, en concert, sur RQC. In time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Come back again.